بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, بإذن الله تبارك وتعالى nous continuons dans الدرر البهية les belles perles de l'imam Shawkani رحمه الله رحمة واسعة. Et nous sommes dans le chapitre du mariage. Et alhamdulillah, nous avons vu la définition du mariage et le jugement du mariage. Ensuite, nous avons vu les caractéristiques dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité. Et la femme que nous devons épouser. Alors ici, l'auteur du livre dit, Rahimallah, wa tukhtabu al-kabiratu ila nafsiha wa al-mu'tabaru husulu al-ridha minha liman kana kuf'an. Alors j'avais dit qu'on allait revenir sur cette partie, sinon on avait déjà lu un peu. Mais nous allons revenir encore sur cette partie pour plus de compréhension. Voyez. Alors ici, wa tuqtabu al-kabiratu ila nafsiha. C'est-à-dire ici, celle qui n'est pas bikr, qui n'est pas vierge, celle qui a déjà connu un mariage, alors celle-là, on lui demande directement. Wal mu'tabaru, et ce qui est considéré usul ar-ridha, c'est l'obtention de son agrément. Liman kana kufan, pour celui qui est égal à elle. Et nous avons vu al-kufu wa al-nazir wa al-musawi. Le kufu, c'est l'égal. أن يكون مثلها مساويا لها في الدين. Que ce soit pareil à la personne, soit pareil à elle et égale dans la religion. Taïb. Naam. الكبيرة هي التي بلغت إذ يكون لها عقل تدرك به ما يناسبها أو ما لا يناسبها. Donc كبيرة c'est celle qui est en état de puberté et dépassée, car elle a une raison qui la permet de connaître ce qui est conforme, ce qui est bien pour elle et ce qui n'est pas bien pour elle. Amma as-saghiratu fala ma'na li'iznha. Quant à la petite, celle qui est bikr, alors il n'y a pas de sens pour son autorisation. Fala tudriku ma yunasibuha wa ma la yunasibuha. Elle n'arrive pas à connaître ce qui est bien pour elle ni ce qui n'est pas bien pour elle. وَمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَمَا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهَا. Ce dont il y a un intérêt pour elle et ce dont il n'y a pas d'intérêt. Donc, فَلَا اِتِبَارْ لِرِضَاهَا وَلَا لِسَخَطِيَا. On ne considère pas ici son agrément ni son mécontentement. بَلِ الْمُعْتَبَرُ حُصُولُ الرِّضَى مِنَ الْكَبِيرُ. Ce qui est considéré, c'est l'obtention d'agrément chez celle qui est al-kabira, qui est grande, qui a atteint la puberté ou dépassé. بِأَنْتَرْضَى بِشَخْصِ الَّذِي يَكُنُ كُفْوًا لَهَا. Par le fait qu'elle agrée cette personne qui est pareille à elle, avec ses objectifs. Et si on a dit le kuf ou c'est al-musawi. Et cette condition que l'imam Shawkani a mis ici, وَقَدْقُلْنَا أَنَّ هَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ. Il n'y a pas de preuve sur cela. Al-kufu. Donc d'autres disent qu'il faut qu'il soit pareil avec elle dans le hisab. Bimana, le nasab. C'est compris? Et il n'y a pas de preuve à cela. Avec les hadiths que nous avons, tel que Zayd ibn Sabit, il a marié Zaynab bint Ujash. Il était Quraysh, il était noble plus que lui, et lui il était Maoula, considéré comme un protégé, un esclave. Voyez, donc là, Dalila al-Hana. Amma, ou al-Kafa'atul Mu'tabaru fi Shar, alors la Kafa'a qui est considérée dans la Sharia, qu'est-ce que c'est? Al-Sahih, de manière authentique, min aqwal ahli al-ilm. Parmi les paroles des gens des sciences, c'est al-musawat ou fid-din faqat. C'est-à-dire s'ils sont égaux dans la religion. Voyez, mazalan, si elle est musulmane, elle est sur la sunna, alors elle n'accepte que celui qui est sur la sunna. Voyez, et celui qui n'est pas de la sunna, qui est innovateur par exemple, elle n'accepte pas de lui. الكبير طيب وهذا معنى قول المصنفون ومذهب مالك وجماعة من الصحابة c'est le mazhab de l'imam Malik et un groupe de compagnons ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم et la preuve c'est la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui dit fasse par visage din arrivat yada c'est-à-dire choisis celle qui a la religion حسوه على ذلك على ذات الدين فقط. Il a incité seulement pour celle qui a la religion. وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يزوجون الموالي. Et c'est venu des Sahaba رضي الله تعالى عنهم qu'ils mariaient les mawali. C'est-à-dire celles qui n'ont pas le même nasab, ça va, et le même sharaf, la même noblesse que, alors ils mariaient celles-là. فَلَمْ يَعْتَبِرُوا الْمُسَاوَةَ فِي النَّسَبِ et n'ont pas considéré l'égalité dans la noblesse, dans la famille. Ok? قال ابن عبد البر, l'imam ابن عبد البر, il dit ici, جُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكْ وَأَصْحَابِ. Alors, l'ensemble de la voix de l'imam Malik et ceux qui l'ont suivi, أن الكفاءة عنده في الدين. Alors, l'égalité, c'est seulement dans la religion. Voyez. Donc, ici, مثلاً, une femme ou bien un homme ne doit pas refuser dans la charia d'épouser une femme qui n'a pas les mêmes noblesses que lui. Ou bien la femme refuser un homme qui n'a pas les mêmes noblesses au niveau de la famille. C'est compris? Qala ibn al-Qasim an Malik. Idha aba walid sayyib an yuzawijaha rajulan dunahu fi nasabi wa sharaf illa annahu kuf'an fi din fa inna sultan yuzawijaha. Alors cette parole de l'imam ibn al-Qasim, c'est clair. Il dit, si le père de la femme qui est âgé, qui a connu déjà le mariage, refuse de la marier à quelqu'un qui est en dessous d'elle dans le nasab, c'est-à-dire qui ne l'atteint pas dans la noblesse. Ça va? Sauf le côté du dîn. Au niveau du dîn, ils sont sur la même chose. Ça va? Alors, si du côté de la religion, ils sont sur la même chose, alors ici, et qu'ils ne sont pas pareils dans le nasab. C'est compris? Dans la lignée, dans la noblesse au niveau de la famille, alors il dit, si le père refuse de la donner en mariage à cause de cela seulement, alors qu'est-ce qui doit arriver? C'est l'autorité qui doit la donner en mariage. C'est-à-dire le père ici perd la wilaya de sa fille. وَلَا يُنْظَرُ إِلَىٰ قَوْلِ الْأَبْ. On ne regarde pas la parole du père, وَالْوَلِي, et celui qui est l'autorité de cette femme, mankana, qui qu'il soit. Car إِذَا رَضِيَتْ بِهِ, c'est-à-dire si elle agrée, وَكَانَ كُفْءًا فِي دِينِهِ, et la personne est en conformité avec sa religion, وَلَمْ Asma minhu fi qillatil mali shay'an. Il dit, je n'ai rien entendu de l'imam Malik fi qillatil mali. C'est-à-dire, dans le peu d'argent, je n'ai pas entendu quelque chose que on doit refuser de donner parce que l'homme, il a un peu d'argent. Voyez? Donc ici, il faut comprendre d'abord que à Sayyib, la définition de Sayyib ici prend deux angles, comme on a dit la semaine passé dans notre dars. Ici, premièrement, ça prend le sens de celle qui a déjà connu le mariage, que son époux décède ou qu'elle soit divorcée. Ça va? Et le deuxième, c'est le fait qu'elle soit déjà grande et qu'elle comprenne. Ça va? Elle a déjà dépassé la puberté et qu'elle comprenne ce qui est bien pour elle et ce qui n'est pas bien pour elle. D'autres font rentrer cela dans le mana de Seyyib. C'est compris? Donc ici, Al-Kabir a aussi pris ce sens-là. Ici, Masalan, c'est une sœur. Elle a eu un frère qui veut l'épouser. Et arrivé chez les parents, les parents disent que on n'a pas le même nasab. On n'a pas le même nasab. Comme on voit chez certaines familles qui refusent catégoriquement de donner leur fille à une personne qui n'est pas des leurs, qui n'est pas parmi eux. Et surtout si cette personne est considérée dans leur coutume comme une personne qui est un esclave. Ils refusent de donner. Alors, en ce moment, si cette personne, au niveau de la religion, il n'y a aucune reproche à lui faire, alors, en ce moment, c'est l'autorité qui va marier cette dernière, qui va être son wali, qui va la donner en mariage. Est-ce que vous comprenez? Car il n'y a aucune preuve pour le père ici. C'est compris? Il n'y a aucune preuve pour lui. Nasallallahu alayhi wa sallam. Iza radiyat bihi. Si la femme agrée, il n'y a pas de souci. Surtout si elle est déjà seyyib, elle est déjà grande, elle comprend les choses. Ça va? Ici, al-bikr, qui ne comprend pas les choses, par exemple, celle qui n'a même pas encore l'âge de la puberté. On peut lui donner un mariage. Seyyib, on peut lui donner un mariage. Son silence égal à son acceptation, comme on a déjà vu cela. Voyez, maintenant celle qui a déjà dépassé la puberté, qui comprend les choses et qui sait ce qui est bien pour elle, alors on lui demande son avis. Iza radiyat elle va le dire clairement, si elle est d'accord. Mais si elle n'est pas d'accord, alors elle va aussi le dire clairement, qu'elle n'est pas d'accord. Voyez. Donc, quand la Malik, l'imam Malik, il dit, تزويج المولى على ربي حلال في كتاب الله عز وجل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية. Donc ici le fait de marier la maula qui est al-arabiya, arabe, c'est halal, ça va. Ici c'est une parole qui est dit dans le sens de l'imam Malik ici. Kana min al-arab, c'était parmi les arabes, et il dit cette parole, tazwij al-mawla al-arabi. Mais ici, c'est pas resté seulement à cela. Hatta al-mawla ghayr al-arabi. Celle qui n'est pas arabe. Il y a 12. Mawla, c'est qui? C'est celle qui est protégée. Ça va? Qui est, par exemple, sous l'autorité. La personne n'est pas parmi nous, mais on le considère comme, par exemple, khadima, quelqu'un qui travaille pour nous. Quelqu'un qui est avec nous, qui nous sert. Ça va? Est-ce que cette personne, vu qu'elle n'est pas du même degré que nous, dans le Nazar, est-ce qu'on doit marier cette personne? Il y a 12. Et la preuve, c'est, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Nous avons créé d'hommes et de femelles. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li. Nous avons placé en tribu afin que vous puissiez vous connaître. Inna akramakum indallahi atqakum. Alors, les plus nobles parmi vous sont ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi la preuve dans Surat Al-Azab, elle a dit Falamma qada zaydun minha watar. Et lorsque Zayd a fini son besoin, c'est-à-dire il a divorcé Zaynab, Zawajina Kaha, nous te l'avons donné comme nous te l'avons marié. Alors le tazwij de Zaynab, ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kana min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui a célébré ce zawaj. Voyez, Zayd, il était quoi? Maula. Et Zaynab était Sharifa, noble. Voilà qui, ça n'a pas empêché que Zayd marie Zaynab. Toyib. Donc cela montre ici que la condition au niveau du Nazab n'est pas une condition qu'on doit considérer. Toyib. قال المؤلف رحمه الله والصغيرة إلى وليها. Il dit maintenant, celle qui est petite, on demande sa main chez son wali. Ça va? Chez son wali. C'est compris? Tustazanul bikr. Ici, aïe, wa tukhtabu sagira ila waliya. On demande la petite vers son wali. Li annahu la yu'tabu ridaha. On ne considère pas son agrément. لصغارها أقول جفت كسوة petite وعدم إدراكها ما يناسبها et le fait aussi qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qui est bien pour elle. Par exemple, à صغيرة, à l'âge de 10, 11, 12, il y a 12, il est permis de la donner en mariage. Par exemple, si quelqu'un vient et dit je veux celle-là. Ça va? Il vient directement vers son wali. Il ne va pas directement vers la sourire. Pour lui dire, je vais te marier. Non, je vais dire à ton papa. S'il t'a demandé, il faut dire oui. Hein? Non, là, il croit le harada. On ne dit pas cela. On demande à sourire, il a. Waliya, vers son wali. Et c'est ce qui est considéré ici. Si son wali dit ok, jaz. Ça va? Voyez. قال رحمه الله لمن شوقاني دي ورضا ورضا البك سماتها alors l'agrément de la petite c'est son silence. Ça va? Tustazan al bikr, on demande la permission au bikr, c'est-à-dire celle qui est petite, vierge. Fayuqalu laha masalan, on lui dit par exemple khatabaki fulan Ibn Fulan. Telle personne, fils d'un tel, t'a demandé en mariage. Wa idha sakatat, si elle se tue, aw dhahikat, ou bien elle a ri, dalla dhalika la rida. Cela montre qu'elle est d'accord. Ça va? Alors les hadiths qui montrent cela, le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. An Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. D'après Abu Huraira, il dit Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La tunkahu al-ayim hatta tusta'mar. Ça va? Alors, al-ayim, celle qui n'a pas d'époux. Ça va? Mikran kanat au seyiban. Mais al-mourad ici c'est as-seyib. Ça va? Celle qui a déjà connu un mariage ou qui est déjà grande, qui a déjà dépassé. C'est compris? Ici, hatta tusta amr, yani talabul amr. On lui demande. استأمر. أريد دمان مثلا جاء هذا وقال هذا وقال هذا ما رأيك؟ كل ton opinion. Ça va? Donc elle décide. ولا تنكه البكر et on ne marie pas la vierge حتى تستأذن jusqu'à ce qu'on lui demande la permission. قالوا يا رسول الله et on lui a dit au messager d'Allah wa kayfa iznuha, quelle est son sa permission? قال ان تسكت, il dit qu'elle se taise. Ça va? Donc ici le hadith est rapporté par Al-Bukhari Muslim et aussi le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-bikru tusta'zan. La bikr, la petite, on lui demande la permission. Qultu. Et Aïcha dit, j'ai dit Inna al-bikra tastahi. C'est-à-dire, celle qui est petite, elle a honte. Qala iznuha sumatuha. Il dit son accord, c'est son silence. Ça va? Muttafaqun alayh. Aïqalat lahu Aïcha. Donc ici, si on regarde dans le hadith, Aïcha lui a dit, Tastahyi al-mar'a al-bikr. La femme qui est petite, vierge, elle a honte. Antaqula ana muwafiq ou uridu. Qu'elle dise, je suis d'accord et je veux cette personne. Hein? Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi riwayat al-ukhra. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans une autre riwaya du hadith, fadhalika iznuha idha hiya sakatat. C'est son accord lorsque elle se tue. Ça va? Non. Non, ici, on ne doit pas forcer. Si elle ne veut pas, si elle envoie des arguments, n'est pas beau. Hein? Il ne me plaît pas. Ce sont des arguments qu'elle va envoyer. Jésus ne veut pas. Si elle a déjà montré son désaccord, ça y est, si elle a déjà montré. Même si le wali voit que ce qu'elle montre comme désaccord n'a pas de sens pour lui. Ça va? Par exemple, je te donne le contexte. Aujourd'hui, les femmes ont des caractéristiques au niveau des hommes. Mais avant, ce n'était pas le cas. Ça va? Avant, ce n'était pas le cas. Avant, il suffit seulement que ce soit un homme de bonne moralité, mais un homme qui soit gros, mince, qu'il ait des tablettes de chocolat et autres. Ce n'est pas important. Hein? Voilà. Mais maintenant, les femmes ont les caractéristiques. Donc, si elle refuse, elle a montré qu'elle ne veut pas, on ne l'oblige pas. Ça va? Non. C'est compris? Donc, ici maintenant, dans la riwaya, dans une autre riwaya de l'imam muslim, As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha. As-sayyibu, c'est-à-dire celle qui est déjà grande, qui a connu un mariage, elle est plus en droit d'elle-même min waliha, plus que son wali. Wal bikru yusta'zanuha. On lui demande la permission qui abouha bi nafsiha. Son père lui demande au sujet d'elle-même. Est-ce qu'elle est d'accord? Wa iznuha sumatuha. Et son accord, c'est son silence. C'est-à-dire al bikr, celle qui est bikr. Vous avez compris? Mais amma sayyibu, quant au sayyib, المراد من قوله صلى الله عليه وسلم c'est voulu par la parole du prophète صلى الله عليه وسلم السيب أحق بنفسها من وليها السيب أحق بنفسها من وليها et si cette parole doit être expliquée alors car ce qui est clair dans la parole ici c'est que السيب celle qui a déjà connu le mariage grand elle est plus en droit que son wali. Ça va? T'as compris? Anta aqida al-aqd bi nafsiha fa tuzawwiju nafsaha min ghayr muwafaqati waliha. Alors ici, le mourad, est-ce que le mourad c'est elle peut faire un contrat elle-même? Et qu'elle se marie sans l'accord de son wali. Ça va? Falaysa al-murad min qawlihi, c'est pas le but. C'est pas l'objectif de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle peut se marier elle-même sans l'accord de son wali. Lima sahani nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause du hadith qui est venu authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, La nikaha illa bilwali. La nikaha illa bilwali. Il n'y a pas de mariage sans wali. Ça va? Donc, lorsqu'on rassemble ces deux paroles, As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit La nikaha illa bilwali. Mada yufam. Qu'est-ce qu'on comprend? فَعَدَ يَشْمَلُ الْبِكْرُ وَالسَّيِّبُ Alors ce hadith prend en compte celle qui est bikre, c'est-à-dire celle qui est vierge et petite, et aussi prend en compte السَّيِّبُ, celle qui a déjà connu le mariage. فَلَا يَسِّحُ نِكَاؤُهُمَا إِلَّا بِوَلِي Alors le nikah ne peut être correct que par un wali. وَإِنَّمَا يَدُلُّ قَوْلُهُ أَحَقُّ Mais la parole du professeur sallam ahaqqu montre ici wa hiya af'alu tafdhil annaha a'zamu haqqan min waliha. Ici c'est comme un superlatif, ça montre ici qu'elle a plus de droits que son wali concernant sa propre personne. C'est compris? La annaha mutafarridan bilhaq. Pas que elle, yani, elle est, c'est-à-dire celle qui prend les décisions, elle seule. Non, pas celui-là. Ça va? Non. فلا يزوجها وليها إلا برضاها. Et donc, ici, que son wali ne la donne pas en mariage que par son accord. فهي أحق منه في الرضا لا في العقد. Elle est plus en droit que son wali dans l'agrément, pas dans le contrat. C'est compris? فإذا اختلفت مع وليها في كف. Si elle est en divergence avec son wali dans le kufr au niveau du din, comme on a dit, c'est-à-dire du din, son wali veut que elle marie quelqu'un qui est masalan, un innovateur, alors qu'elle veut marier un homme de la sunna au niveau de la religion, ou bien son wali veut qu'elle marie quelqu'un qui est sur la sunna mais qui n'a pas le bon comportement. Ça y est, et qui n'a pas, qui est fasik, masalan. Ça va? Donc si elle se diverge avec son wali sur cela, fahiya awla min waliha. Sa parole est plus prise en compte que son wali. فيقدم قولها على قولي. Allons devant sa parole sur la parole de son wali. فترفع أمرها إلى القاضي. Et on ramène son affaire au juge. ويزوجها القاضي. Et le juge la donne en mariage. فهي أحق في مثل هذا. Elle est plus en droit dans ce genre de situation. Ça va? Donc ici, فَتَبَيَّنَ مِمَّا تَقَدَّمْ. Alors c'est clair de ce qui a précédé. أَنَّ الْبِنْتِ. La fille. إِذَا كَانَتْ كَبِيرًا. Si elle est grande. بِحَيْسُ تَكُونُ بَالِغًا. Par le fait qu'elle soit pubère, elle a dépassé. فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا. Il faut son agrément. Ça va? سَوَمْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ سَيِّبًا. Qu'elle soit vierge ou bien non vierge. Wa sawa kana al-wali al-ab aw ghayri. Et que son wali soit son père ou autre. Min asabatiha ala sahi. Savoir que autre parmi les gens de sa famille. Allahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Tayyib. Donc vous comprenez ici que al-farq ici, as-saghira. C'est celle qui n'a pas la puberté. C'est compris? Donc elle, c'est elle dont on demande son accord, mais son izn, c'est quoi? Son silence. Ça va? Son silence. Maintenant, celle qui a dépassé, qui a la puberté et qui a dépassé la puberté, la bout de minuta. Il faut impérativement qu'elle dise quelque chose. Son accord. Ça va? Elle, on ne regarde pas son silence. On regarde en tout sort qu'elle soit claire. Qu'elle dise je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Ça va? Non. Donc, si on a compris cette masala, nantakilu ila masalatin ukhra. On va aller maintenant sur une autre masala. قال المؤلف رحمه الله وتحرم الخطبة في العدة. Alors demander une femme dans son délai d'attente est interdit. Demander une femme en mariage dans son délai d'attente est interdit. الخطبة, quand on dit الخطبة بكسر الخاء خ, avant talabul mar'a li zawaj, c'est demander une femme en mariage. Al khitba, c'est compris. Amma al khutba, quant au mot al khutba bi dhammi al kha, avec la dhamma si le kha ici, fa yal kalam alladhi yulqa ala al manabir wa ma shaba, c'est la parole qu'on donne sur le minbar ou bien autre que cela. Ça va? Wal'iddatu, alors la'idda ici, tarabbusul mar'a muddatan, c'est le fait qu'une femme attend pendant un délai, muhaddadatan shar'an, qui est précis dans la sharia, bisababi furqata nikah aw wafat, par le fait que elle s'est séparée, c'est-à-dire séparation de mariage ou bien le décès de son époux. Ici, par exemple, si son époux l'a divorcé, alors la idda, c'est combien de mois? C'est 3 menstrues d'abord. Ça va? Ensuite, celles qui n'ont pas de menstrues, elles comptent 3 mois. Ça va? Donc ici, celle maintenant dont son époux est décédé, l'attente ici c'est quoi? C'est combien? Hein? 4 mois, 10 jours. Donc ici, il est interdit, si une femme est dans ce délai d'attente, de lui demander un mariage. C'est compris? فإن المرأة لا فهم إذا طلقت دخلت في العدة. C'est-à-dire si elle a été divorcée, elle rentre dans la عدة. وهي مدة زمنية حددها الشارع. Alors c'est un délai périodique, une période que le شارع, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, a précisé. فَتَبْقَ فِيهَا إِلَىٰ أَنْ تَنْتَهِ, elle reste dans ce délai jusqu'à ce que ça finisse. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَحِلُّ لَهَا الزَّوَاجِ, après cela il est permis de se marier. أَمَّا قَبْلَ إِنْتِهَاءِ الْإِدَّةِ, mais avant que la idda ne finisse, فَلَا يَحِلُّ لَهَا الزَّوَاجِ, ne lui a pas permis de se marier. فَتُسَمَّ هَذِهِ الْمُدَّةُ زَمَنِيَّةَ إِدَّةَ, on appelle ce temps, ce délai d'attente, idda. C'est-à-dire, pour la femme divorcée, 3 menstrues. Pour la femme qui a perdu son époux, 4 mois et 10 jours. Ça va? Donc, dans cette idda, alors la femme ne doit pas se marier. Et on ne doit pas lui demander aussi un mariage, jusqu'à ce que ce délai finisse. Wa kadhalika al-mar'a allati yutawaffa anha zawjuha, celle dont son époux est décédé, elle doit attendre un délai jusqu'à ce que ce délai la finisse. C'est-à-dire, elle compte ses moments et elle attend intihal mudda, et à ce que le mudda finisse, le délai, summa ba'da zalika yajuzu laha an tatazawwaj. Et après cela, il lui est permis de se marier. C'est compris? فَالْمُرَادُ بِلَئِدَّةِ فِكَلَامِ الْمُؤَلِّفِ, alors ce qui est voulu par le mot idda dans la parole de l'auteur du livre, l'imam Shawkani, idda'tu talaq aw al-maut, c'est idda du divorce ou bien la mort de son époux. C'est compris? وَالَّذِي يَحْرُمُ فِيهَا, mais ce qui est interdit ici, dans la idda, ou le tasrih bil khitba li jami'i al mu'tadat, c'est-à-dire c'est le tasrih, je dis clairement, ça va, je dis clairement que tu lui demandes un mariage. Wa ma ta'rid, quand tu as dit une parole sans directement l'adresser, fa huwa an yuzkaru laha ishara, qu'il fasse signe qu'il la désire voilà, il sort là, mais il dit pas clairement. Fakaulu, s'il dit par exemple, uridu ka auridu ki les zawaj, je veux de toi pour le mariage. Ada, ada tasrif, il a dit clairement, n'est-ce pas? Fala yajuz, ce n'est pas permis. Wa inama yushiru isharatan faqat. Il fait seulement signe ou bien il dit quelque chose qui n'est pas clair. Quand يقول لها مثلا, par exemple, il lui dit أريد الزواج. Il enlève le kaf, le khitab. Il dit je veux me marier. Hein? Ou bien il dit وددت أن ييسر الله لي Imraatan Saliha. Il dit j'aimerais que Allah me facilite une femme pieuse. Hein? Fatakunu hadi isharatun yushiru biha annahu yuridu an yatazawwaja. C'est une indication. Il montre ici qu'il veut l'épouser. Hada yusamma ta'aridan. On appelle cela. C'est comme elle l'expose, mais de manière voilée. Ça va? Non. Comment ça? Non, il ne doit pas faire le tasri. Ça, ça rentre dans le tasri. Puisque le wali va aller lui, va dire. Ça va? Et aussi, on va voir ici que ce n'est pas dans toutes les iddas. Il y a les iddas, il y a juz au tasri. Il y a les iddas, il y a juz au tasri. Il y a juz au ta'arid, afin. Il y a les iddas, c'est permis de faire le ta'arid. Mais les iddas, ce n'est pas permis. Ça va? Et on va voir cela ici, inshallah. Wa taridu ja'izun. Le tarid est permis. Ça va? Libadi pour certaines al-mu'tadat la kullahunna. Ce n'est pas elles toutes. Kal mutawaffa anha zawjuha. Telle que celle dont son époux est décédé. Madamat fil idda, tant qu'elle est dans le délai. Ammal mutad, yani iddat al-talaq raja'i. Quant à celle qui est dans le délai d'attente d'une idda du talaq, du divorce, on peut la ramener. Ça va? Fala yu'arrid, fala yusarrifna. Il ne fait pas de tarif. Par exemple, une femme dont le divorce a été prononcé, mais dans le délai, ça va, d'attente. On sait bien que son époux peut la ramener dans ce délai-là. Parce qu'il est tout, elle est toujours son épouse. Ça va? Moi, c'est là, s'il dit je te divorce, elle attend. Le premier mois, elle est considérée comme son épouse. Le deuxième mois, elle est considérée comme son épouse. Et lorsqu'elle aura le troisième menstrué et qu'elle se purifiera, alors elle n'est plus son épouse. Ça va? Donc en ce moment maintenant, tu n'as pas besoin même de venir avec ta ri, tu viens avec ta sri. Parce qu'elle n'est plus mariée. Ça va? لأنها لا تزال زوجة لرجل. Elle est toujours l'épouse d'un homme. ولزوجها فيها حق. Et son époux a plus de droits sur elle. C'est compris? Son époux a plus de droits sur elle. والطلاق الرجعي. Alors le talaq, le divorce, الرجعي, dont on peut ramener la femme. يكون في عدة at-talqat al-ula aw al-thaniya. Ça va? C'est dans le divorce, premier divorce, mais le deuxième. Là, on peut ramener la femme. Amma, le troisième. Comme elle a dit, at-talaqu marratan. C'est deux. Ça va? Fa'in talaqaha, mais si la divorce, troisième fois, fala yahillu, alors ce n'est plus permis que marie encore cette femme. Hatta tankiha zawjan ghayra. Jusqu'à ce qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Et cette personne, par dispute, ça va? Ou bien par refus de lui-même, de cette femme, il la divorce. Pas que tu vas t'attendre avec quelqu'un. Hein? Pour lui dire, ok, tu vois, j'ai divorcé mon épouse trois fois, sans m'en rendre compte. Non, il faut l'épouser, et puis après, tu la divorces. Hein? Oui, non, mais dans l'entente, il ne va pas la toucher. Il faut l'épouser seulement, parce que elle doit être épousée. Même si ça n'a pas été construit. Ah, il va taper poteau. Parce que quand l'autre va prendre, il ne va pas laisser. Allah al-Mustahad. Qu'Allah nous aide. Donc ici, Falizaoudiha, donc celle qui est dans le délai de premier divorce, deuxième divorce, son époux, An yarji'aha madamat al-mar'a lam tunha al-idda. Il peut la ramener tant que la femme n'a pas fini son délai. Saïda. Falahu an yarji'aha min ghayri aqdin jadid. Il peut la ramener sans faire un autre contrat. Wala mahr jadid. Ni aussi sans donner une autre dot. Ici, je précise. Il faut savoir que quand il divorce une femme, elle est dans le délai d'attente. Tant que ces trois menstrues, elle n'a pas eu ces trois menstrues, tu peux la ramener sans rien. Ça va? Mais si elle a dépassé les trois mois, c'est-à-dire les trois menstrues sont déjà effectifs, elle s'est purifiée après le troisième menstrue, alors c'est fini. Intah al-mawd. Si tu dois la ramener, c'est un nouveau contrat. Avec une nouvelle dot. Ça va? Mais on voit beaucoup de personnes font l'erreur ici. D'autres, même souvent, la femme même dépasse les trois. Souvent chez ses parents, il a divorcé. Elle a dépassé les trois menstrues. Et il la ramène comme ça, sans rien. Il va la chercher, et puis il revient avec elle comme ça, sans rien. C'est une erreur. Parce que si elle a dépassé les trois menstrues, c'est fini. Ce n'est plus ton épouse. Si tu vas vers elle, tu dois forcément faire une autre demande. Une nouvelle dot. Un nouveau contrat. Hein? Non, ça c'est le premier. Le premier, on parle du premier. On sait que Talaq al-Ba'in, ce qui est définitif, ça, elle doit se marier d'abord. Mais là, on parle du premier et du deuxième. C'est-à-dire, il divorce sa femme première fois. Bon, par exemple, tu vois, dans certains endroits, les deux se disputent. T'as compris? Les deux se disputent. Et puis maintenant, dans la discussion, l'homme, il dit, je te divorce. Est-ce que ce divorce va faire la mienne? Alors on va regarder. Si la femme est en état de menstruer, les savants se divergent sur ce sujet-là. Ce divorce-là, ce n'est pas effectif. Ça va? Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'Ibn Omar ramène sa femme lorsqu'il a divorcé en état de menstruer. Ça va? Donc ici, si le divorce est réellement effectif, la femme Elle est fille tourine. Elle n'est pas en état de menstruer. Ça va? Après menstruer, elle s'est purifiée sans que l'homme ne la touche et il la divorce. Cela arrive souvent sans que certains même ne s'en rendent compte. Et ensuite, la dispute, après la femme prend ses bagages, elle décide d'aller chez ses parents. Elle va rester là-bas pendant 6 mois, ou même souvent 1 an, alors que le divorce était là. Tu n'es pas revenu sur ta parole pour faire un raja, ni rien. Qu'est-ce que, ici, normalement, on doit faire si tu dois la ramener? Tu dois la ramener avec un nouveau contrat. C'est compris? Et beaucoup de personnes font erreur ici. Ils tombent dans l'erreur beaucoup. Non. Ici, ce sont les deux premiers. Ça va? Les deux premiers. Mais le troisième, elle fait son délai d'attendre ailleurs. Ça va? Les deux premiers. Parce que le troisième, c'est définitif. C'est compris? Elle ne le fait pas dans la maison de l'homme. Mais les deux premiers, elle doit faire cela impérativement chez l'homme. Ça va? Et parmi les sagesses de cela, se trouve dans Surat al-Talaq, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, Ya ayyuhan nabi, idha tallaqtumun nisa. Il dit, ô prophète, si vous divorcez les femmes, fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Alors, divorcez-les dans un délai et comptez ce délai. Attaquez-Allah wa Rabbakum. Craignez votre Seigneur. La tukhrijuhunna min buyutihin. Ici, c'est clair ou pas? Ne les faites pas sortir de leur demeure. Wa la yakhrujna illa. Elle ne doit sortir sauf an ya'tina bi fahishatin mubayyina. Si elles ont fait une turpitude, par exemple, elle a fait la zina. Ça va? Non, en ce moment, elle doit sortir directement de la maison. Wa tilka hududullah. Et voici les limites d'Allah, les règles. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa. Celui qui transgresse les limites d'Allah, il s'est fait du tort. Et maintenant, voilà l'une des sagesses. La tadri la'allallah yuhdisu ba'da dhalika amra. Il ne sait pas, peut-être que Allah va générer quelque chose entre vous. Ça va? Donc, si la femme est là, alors l'homme peut changer d'avis. Allah peut générer quelque chose entre les deux. C'est compris? Cela fait partie de la sagesse. Maintenant, si tu la divorces, mais tu lui dis, prends tes bagages, va chez tes parents, je ne veux plus te voir. Je ne veux pas faire ceci. Ceci est contraire à la charia. Ça va? Allah a dit, La tukhrijuhunna min buyutihinna. Ça va? C'est qu'on voit les gens faire. Ils prennent les bagages, mais ils vont jeter dehors. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Okay. Et puis frappe-moi dessus. Hein? Non. Le premier divorce là, c'est quand, par exemple, elle a débattu les 3 mois. Elle vient. Avec un nouveau contrat. Maintenant, s'il la divorce une troisième fois, c'est fini. Vous comprenez? C'est-à-dire, s'il divorce la première fois, il l'a ramené. Même si les 3 mois n'ont pas passé. Si dans le délai, dans la ida, il ramène la femme. Ça va? Ensuite, deuxièmement maintenant, il divorce. Il la ramène encore. Ah, ça c'est le carton rouge maintenant. C'est qui vient après? Ça devient deux fois carton jaune. Hein? Maintenant, dès qu'il divorce, il doit le mot. Voilà. Il doit attendre un mariage entre cette femme-là et une autre personne. Et ensuite, maintenant, si par chance pour lui, l'autre-là, il a fait ça de lui-même. Il a divorcé la femme, il ne veut plus d'elle. Il peut revenir à la charge. Hein? Comment ça? Si? Oui, il a droit. Maintenant, il a droit. S'il a divorcé la femme et que le délai de nudité est fini, c'est-à-dire le délai, comme on dit, la ida. La ida est finie. Même si c'est le premier que la ida est finie, la femme est libre. On n'attend pas. C'est pas comme si tu divorces une femme. Quand son délai de 3 mois est fini, tu dois forcément attendre que son époux la récupère encore. Là, tu peux sauter sur l'occasion. Hein? Donc ici, c'est compris? Voilà. Si son délai, non, il doit attendre jusqu'à ce que son délai finisse. Le premier mari n'a pas le droit parce qu'elle est toujours l'épouse de l'autre. Tant que son délai n'est pas encore fini, elle est toujours l'épouse de l'autre. Donc, obligatoirement, le délai doit finir. Ça va? Non. Là, vous savez. Non, je reprends la question. Il dit. Voilà. Il dit, est-ce qu'on peut faire coup d'état, c'est ça? C'est-à-dire, si jamais lui, il a divorcé les trois, c'est ça? Et ensuite, quelqu'un d'autre l'a épousé. Est-ce que lui, il a le droit d'aller tout garder là-bas pour que le monsieur la divorce? Ouais. Non, ça, c'est pas permis. Ça, c'est pas permis. Parce que ici, c'est atteindre l'honneur d'une personne innocente. Ça va? Et atteindre l'honneur d'une personne innocente, c'est quelque chose qui est blâmé par la charia. Et c'est un grand péché. Ça va? Nassallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut éviter cela. Qul al-Hafiz Ibn Hajar. Donc, on va terminer avec cette parole de Hafiz Ibn Hajar et puis on va s'arrêter, inshallah. Non. Ah bon? Oui, ici, Mazalan, il y a des paroles qui viennent à ce sujet. Ça va? Mais ici, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit Hatta tankiha zawjan ghayra. Ça va? Et ce qui est correct, c'est que il n'y a pas de condition qui la touche ou qui ne la touche pas. Vous avez compris? Si elle a déjà connu un mariage. Ça va? Et aussi, la personne peut, en islam, c'est permis qu'une personne marie une femme, il fasse un ahd avec une femme, et puis la divorce sans avoir la touche, sans avoir touché cette femme. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé, comme ça vient dans certaines paroles dans la Sira, une dizaine, si je ne me trompe pas, ou bien même moins que cela, à la Kouléhal, je ne me rappelle plus trop, mais il y a des femmes qu'il a épousées et il a divorcé sans les toucher. Ça va? Sans les toucher, non? Non. Ouna, c'est ce que j'ai dit, yahtamilu hadha, kama qala ba'dhum. C'est-à-dire, on voyait ce sens-là. Le nikah, comme on a vu le sens de nikah ici. Le nikah, c'est quoi? On a envoyé deux sens. Ça va, hein? Le sens de contrat. Ça va? Et le sens de coït. Mais quel est le sens qui est apparent dans ce verset? Ça va? Le sens qui est apparent dans ce verset. Le sens qui est apparent dans ce verset, c'est que Allah parle de talaq. Et ensuite parle de nikah. Ça va? Hatta tankiha zawjan ghayra, jusqu'à ce qu'elle marie. Ici, le tankiha revient à qui domine? La femme. Ça va? Donc si le domine revient à la femme, est-ce que normalement si on dit le coït, on adresse le domine à l'homme ou bien à la femme? À l'homme. Ça va? Donc voilà pourquoi il y a eu beaucoup de calam autour. Et c'est ce que je t'ai dit, c'est que moi je vois, et Allahu A'lam, c'est le nikah. C'est compris? Dans le hadith, nam. Là, qui est le hadith? Le hadith. Non, Inch'Allah, d'ici là, le DAS prochain, dans Touriani, tu me montres, Inch'Allah, on va discuter autour. Ça la facilite. Qala al-Hafid ibn Hajar, l'imam Hafid ibn Hajar, il dit, on va terminer avec sa parole ici, il dit, wal-hasil anna tasrih bil-khitba haramun. Ça va? Il dit, donc, ce qui est connu sur le tasrih, à demander la femme en mariage est interdit les jamis pour toutes celles qui sont en attente. Ici, il a dit d'abord, premièrement, Watarid Mubah lil Ula. Exposer, c'est autorisé pour la première. Haramun fil Akhira. Et interdit pour la dernière. Mukhtalafun fi fil Ba'i. Et les gens se divergent sur celle dont le divorce est définitif. Ça va? Al Ula, la première ici, Yal Mutawafa Anha Zawjuha. Ça va? C'est celle dont son époux est décédé. Donc, Fataridu Mubah La. Exposer n'est pas clair, ça c'est autorisé pour elle. Celle dont celle qui a perdu son époux. C'est compris? Waharamun fil Akhir. Est interdit pour la dernière. C'est-à-dire, Wahiyal Sel Al Mutaj. Celle qui est dans le délai d'attente d'un divorce qu'on peut la ramener. Ça va? Et c'est une divergence chez celle qui est al-ba'in. Aïe, c'est-à-dire al-mutallaqa talaqan ba'in la raja'ata fi. Celle dont elle a divorcé d'un divorce qui est définitif. Il n'y a pas de retour dedans. ودليل ما ذكره المؤلف من تحريم الخطبة في العدة لا preuve que l'auteur du livre a mentionné de l'interdiction de demander la femme en mariage en état de délai d'attente c'est مفهوم قوله تعالى c'est la compréhension de la parole d'Allah ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم c'est-à-dire il n'y a pas de problème de ce que vous allez exposer comme la yani demande du mariage des femmes ou bien ce que vous avez caché à l'intérieur de vous-même. Wa mafhum hadhihi al-aya annama sarahtum bihi fa alaykum junah. Donc la compréhension c'est quoi? C'est donc vous avez dit clairement vous avez un problème à cela. Mais ce que vous n'avez pas dit clairement, comme elle a dit, wa la junah alaykum fima aradtum. Ça c'est le tarif. Aradtum min khitbati an-nisa. Mais si donc le problème ici maintenant c'est quand tu vas dire clairement à la femme qui est en délai de viudité qui attend les 4 mois et 10 jours. Et ça vient dans la conduite même de ceux-là, dans Surat al-Baqarah. Hein? Ça va? Comme elle a dit, Walladi yatawafawna minkum. Qui peut me rappeler le verset? Naam. Oui. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن من أنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم. Donc ici le verset il est clair. Ça va? Donc c'est après ce verset maintenant, c'est-à-dire ici Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux donc qui perdent leur yani époux. Ça va? Elles doivent attendre 4 mois et 10 jours. Arba'ata ashhuri wa ashra. Ça va? C'est après maintenant ce verset qu'il a dit wala junaha alaykum fima aradtum. Ça va? Aradtum bi min khitbati an-nisa. Donc c'est dans la conduite de celles qui ont perdu leurs époux. C'est compris? Wa tahrimu at-tasri wa ta'rid للمطلقه طلاقا رجعيا. L'interdiction de dire clairement pour la femme ou bien de exposer d'une manière pas directe pour la femme qui a divorcé d'un divorce qui la permet de revenir, alors لان زوجتان لزوجها, car elle est toujours l'épouse de son époux. Ça va? لم تنتهي الزوجية, et leur couple n'est pas encore terminé. فحق زوجها لا يزال قائما فيها. Donc le droit de son époux est toujours présent sur elle. Tu as compris? C'est-à-dire celle qui divorce. Un divorce, on peut la ramener. Ici, il est interdit de même faire à tarif avec elle. Ça va? N'en parlons pas de tasrif, je dis clairement. Voyez. وَمَا تَعْرِمُ تَسْرِي لِغَيْرِهَا. Maintenant, quant à l'interdiction de dire clairement pour autre qu'elle est, خَشْيَةً أَنْ تَكْذِبَ الْمَرْءَ فِي الْعِدَّةِ. Alors, cela va craindre que la femme monte dans le délai. استعجالا للزواج, par précipitation pour le mariage. مِمَّنْ طَلَبَهَا صَرَاحَةً. Ça va? De celui qui l'a demandé clairement. لِذَلِكَ مُنِعَ الرَّجُلْ مِنْ طَلَبِهَا صَرَاحَةً مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا. Ça va? Donc voilà pourquoi il est interdit à l'homme de la demander clairement tant qu'elle est dans la idda, pour celle dans la idda et ba'in. Ça va? Barakallahu fikum. On va s'arrêter ici, inshallah, et continuer avec Aw ala al-khidba. Ici, ala khidbati akhi. Demander le mariage, sur le mariage, la demande du mariage de ton frère. Adam ayah 12, Aydon. Il y a beaucoup de détails à cela. Et nous allons continuer cela la semaine prochaine, inshallah. Naam. Naam. Les parents sont les innovateurs. C'est-à-dire, il va avec une femme dont les parents sont les innovateurs. Adam, il y a 12, il n'y a pas de problème. Si c'est pour juste aller vers elle, les parents sont innovateurs, mais elle n'est pas dans cette innovation. Ça va? Donc, marier une femme de l'innovation, c'est aussi un danger pour la personne. Ça va? Non. Et c'est ce qui arrive à Imran ibn Khattab. Il a marié une Kharijiya et ensuite il est devenu parmi les grandes têtes de Khawarij. Ça va? Si elle-même elle a la bonne croyance, alors elle a le bon comportement, alors même si les parents ne sont pas assis sur toi, elle est, elle a là-bas sa vie. Ça va? Même s'ils sont pas isbis, même s'ils sont même des tidjanis, ça va? Mais c'est de ne pas se soumettre aux innovations lorsque tu es là-bas. Ça va? Et pas de dire qu'ils vont faire, mais si tu demandes de faire, là, t'as pas là. Tu ne le fais pas. Ça va? Non. Barakallahu fik. Les hommes. Charan, l'homme n'a pas besoin de wali pour un mariage. C'est la femme qui a besoin de wali. Ça va? C'est que les gens font. Ils envoient le jeu du mariage, le wali de l'homme, le wali de la femme. Il n'y a pas de asoula ça. L'homme, il est responsable de lui-même. C'est la femme qui a besoin de wali. La nikah, il a besoin de wali, il y a le wali de mara. Le wali de la femme. Ça va? Quant à l'homme, lui n'a pas besoin d'un wali. Il est déjà responsable de lui-même. Aïe? Non. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.